بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب العاشر في كتاب الإيمان: علامة الإيمان حب الأنصار. والأنصار جزء من الصحابة، لهم ميزة خاصة ميزها الله سبحانه وتعالى بأن جعل حبهم من الإيمان، هذه لفضيلتهم. وهذا من فقه البخاري أيضا، بعد أن ذكر الإيمان وأنه أعمال قلوب والإسلام وأنه أعمال جوارح، وذكر أمثلة على هذا وذاك، وذكر أن لهذا الإيمان له حلاوة، الآن يريد أن يبين ويدلل على أن للإيمان علامات وإشارات حتى تعرفها. فإذا رأيت أحد يطعن في الأنصار وهم جزء من الصحابة، فاعلم أن في إيمانه إيش؟ خدش، يا أما ناقص الإيمان وإلا إيش؟ ذاهب الإيمان. ما يمكن أحد يحب الصحابة لا سيما الأنصار ثم يتكلم فيهم ولا يحبهم، فكيف بالله عليكم بمن يكفرهم ويسبهم ويطعن فيهم كالرافضة؟ عليهم من الله ما يستحقون. يكفرون جملة الصحابة المهاجرين منهم والأنصار، ولا يستثنون إلا عدد قليل في الأصابع: علي رضي الله عنه، والحسن والحسين وفاطمة وأبو ذر وسلمان وحمزة، نسأل الله العفو والعافية. قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. ثم قال: وعن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان، أي علامته، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق. آية المنافق، آية الإيمان عفوا، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لذلك إذا أردت أن تميز بين الناس فاعرف أين هم وأين محبة الصحابة لا سيما الأنصار منهم، فكيف بجملة الصحابة كلهم الذي يطعن فيهم؟ نسأل الله العافية والعافية. من علامة الإيمان وأماراته ودلالاته حب الصحابة لا سيما الأنصار منهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc nous continuons donc dans le Sahih al-Bukhari. On est arrivé donc au 10e chapitre, où l'imam al-Bukhari intitule donc ce chapitre par « Aimer les Al-Ansar est une marque de foi ».« Aimer Al-Ansar est une marque de foi ». Après avoir rappelé donc dans le chapitre de la foi les caractéristiques donc de l'islam, les caractéristiques de la foi, après avoir rappelé que l'Iman relève de ce que réside dans le cœur et que l'islam c'est ce qui se manifeste à travers les actes, l'imam al-Bukhari rahmatullahi alayh aborde un nouveau chapitre après avoir rappelé que la foi il a une douceur. Il nous dit: aimer al-ansar est une marque de foi. Donc cela relève des caractéristiques de la foi. Il met en évidence quelques caractéristiques. Et parmi ces caractéristiques qui relèvent de la foi, c'est le fait d'aimer Al-Ansar. Et Al-Ansar, c'est donc une partie parmi les parties des compagnons du prophète, alayhi salatu salam. Vous avez d'un côté Al-Ansar et de l'autre côté vous avez Al-Muhajiroun. Et là, parmi donc la clairvoyance de l'imam al-Bukhari, il est en train de nous rappeler que l'une des caractéristiques de notre foi, c'est d'aimer Al-Ansar, et que celui qui n'aime pas Al-Ansar, c'est qu'il n'a pas donc cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il cite un hadith d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu salam dit: aimer Al-Ansar est un signe distinctif de la foi, les détester est un signe distinctif d'hypocrisie. Donc là, le prophète, alayhi salatu salam, il a mis en évidence le fait d'aimer Al-Ansar relève d'un signe distinctif de notre foi. Et de même, celui qui les déteste, cela donc c'est un signe distinctif de l'hypocrisie. Donc l'aya, le terme aya, c'est une caractéristique, c'est un signe. C'est comme dans l'autre hadith où le prophète alayhi salatu wasalam parle donc des caractéristiques de l'hypocrite. Ayatul munafiq talat, où il cite alayhi salatu wasalam les caractéristiques de l'hypocrite. Là il cite alayhi salatu wasalam les caractéristiques de la foi et que aimer les ansars fait partie de cette caractéristique. Comment dit-on donc par la suite de ceux qui détestent tous les compagnons ou ceux qui considèrent tous les compagnons apostasiés, donc après la mort du prophète alayhi salatu wasalam, comme les Shia par exemple, qui insultent, qui détestent et qui considèrent l'ensemble des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam qu'ils ont apostasiés après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. والأنصار المقصود بهم أهل المدينة وهم الأوس والخزرج سموا الأنصار لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه على غيرهم من القبائل لم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم كما نصره الأوس والخزرج وكانوا يسمون قبل ذلك ببني قيلة قبل الإسلام لأن كانت تجمعهم قبيلة واحدة وجاءوا من اليمن هم لكن الإسلام جاء وغيرهم وسماهم بهذا الاسم وبهذا الصفة لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم فسموا أنصار وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبادة عن عبد الله بن أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه يوم العقبة هو يوم بايع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا جماعات مجموعات وكل واحد يأتي عنهم واحد وكان عبادة بن الصامت أحد النقباء يعني واحد من يشكل مجموعة يأتي منهم واحد كان هذا واحد منهم فأتى وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه البايعة كانت على ماذا؟ قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا وهنا فيه بيان لأهمية وخطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى وأنه من أعظم الأمور بل لا يتحقق الإيمان إلا بنبذ ونفي الشرك كما يقولون لا بد من التخلية قبل التحلية لا بد أن تنظف المكان وتنقيه قبل أن تضع فيه الشيء الطيب فلا بد من إيش؟ عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى ولا بد من تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى فهذا من أعظم الأمور وقدم لأهميته فيجب أن يكون هذا الأمر مقدما في كل شيء قضية التوحيد والتحذير من الشرك هذه قضية مهمة جدا لأن هي معنى إيش لا إله إلا الله قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم إن هذه الصفة كانت شائعة عندهم قتل الأولاد يقتلون النساء خشية العار ويقتلون الذكور خشية إيش الإملاق خشية إيش الفقر ويأكل معه قال ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف لأن الطاعة في المعروف إنما الطاعة بالمعروف ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا تعصوا في معروف بل يجب أن يمتثلوا هذا المعروف فمن وفى منكم فأجره على الله يعني من وفى لم يشرك بالله ولم يسرق ولم يزني ولم يقتل أولاده ولم يأتي ببهتان يفتريه بين أيديه ورجله شيء ما يغضب الله ويسخطه فالذي يوفي بهذا الأمر فأجره وقع على الله سبحانه وتعالى خلاص سلم ومن أصاب من ذلك شيء يعني من وقع في مثل هذه المحرمات المنكرات فعوقب في الدنيا فهو كفارة له وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحدود كفارات أن الإنسان سرق زنا ويقيم عليه الحد الشرعي وهنا ميزة الحدود وأهميتها أن الإنسان يسلم في هذه الدنيا والآخرة. فمن وقع في مثل هذه المنكرات، السرقة، الزنا، محرمات، هذه كلها وأقيم عليه الحد، خلاص سلم، لأن الله لا يجمع له بين إيش؟ بين عقوبتين، يعاقبه في الدنيا ويعاقبه في الآخرة. فعقوبة الدنيا إيش؟ مهما بلغت ومهما بلغت ومهما وصلت ما وصلت إليه من القسوة ومن القوة ومن كذا، فهي أولا تعود لمصلحتك ولمصلحة عامة الناس، تعود لمصلحتك بحيث لا تعاقب عليه في الآخرة، لأن عقاب الآخرة أشد وأنكى. هذه الدنيا عقابها لا شيء، مهما كان، مهما تحصل لك من العقوبات لا شيء مقابل عقوبة الإيش؟ يسيرة تقع عليك في الآخرة. كلكم قد سمع بالحديث الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم، يعني يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، من يستحق دخول النار، فيغمس في النار غمسة، يخرج على طول، يدخل ويخرج عليك. هذا يعني أقل شيء. فيقول له عبدي، هل مر عليك نعيم قط؟ قال وعزتك وجلالك لم يمر علي نعيم قط في حياتي. كل هذا بسبب إيش؟ غمسة، دخل وطلع بسرعة كذا، وهو إيش؟ أنعم أهل الأرض، ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة ويخرج منها، بس يطلع عليها كذا ويخرج. يقول يا عبدي هل مر عليك بؤس قط؟ قال وعزتك وجلالك لم يمر علي بؤس قط. لذلك الحدود في الدنيا أهم، يعني أخف وأيسر إذا جاءت على الوجه الصحيح طبعا. قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة العقب، يعني بإيش؟ بالحدود. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، ما انفضح، إن شاء عفى عنه يوم القيامة وإن شاء عاقبه. وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في الذنوب التي هي دون الشرك. من أشرك وتاب، مهما كان عندك من الذنوب إذا تبت منها تاب الله عليك. كل ذنب دون الشرك إذا مت ولم تتب منه فأمرك يوم القيامة إلى الله، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا لمن؟ لمن مات ولم يشرك ومات ولم يتب. لكن إذا مات وهو مشرك ولم يتب فلا توبة له. إنه من يشرك بالله ومات ولم يتب يعني فقد حرم الله عليه الجنة. أما الدليل على أنه من أشرك أو أذنب مهما أذنب وتاب فقد تاب الله عليه، قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن بشرط إيش؟ التوبة. مهما وقعت في، حتى لو وقعت في الشرك وهو أعظم الذنوب ومن أخوف ما يخاف عليه الناس، هو أنهم لا يجعلون للشرك قيمة مقابل المعصية. فلو قيل أن رجلا زنى كيف سيكون ردة فعل الناس؟ يقال أن فلان الرجل الصالح زنى، فلان الرجل الصالح سرق، فلان الرجل الطيب الحبيب رابة، فلان المرأة الصالحة الطيبة كذا زنت، كيف يكون ردة فعل الناس؟ ردوا عليه شديدة، زنت سرقت أو الربا أو كذا، كيف يحصل كذا؟ طيب يقال لك فلان وضع في يده تميمة، وضع تميمة من أجل إيش؟ الحماية والحفظ. وفلان وضع على باب بيته حذوة إيش؟ الفرس من أجل إيش؟ العين. العين. تعرفون حذوة الفرس؟ هذه اللي تكون حقة الحصان في رجله. إيش كون ردة فعل الناس؟ بصراحة يعني. لا ممكن يعني يقول غلط بس كذا، بس ما تكون ردة فعله كفعل إيش السرقة. لماذا؟ لأن الناس ما تزن الأمور وتزن الذنوب بميزان الشريعة، إنما تزن الذنوب والمعاصي بميزان إيش العرف وعادات الناس وتقاليدهم، وهذا خطأ، خطأ كبير جدا يا أخوان. انتبهوا له، انتبهوا له، لا تهون من شأن الذنوب والمعاصي والسرقة والربا لا تهون منها، لكن أنا أتكلم عن الموازنة. لا تهون من الشرك ولو كان أصغر فضلاً عن الأكبر، لا تهونه مقابل إيش سائر الذنوب والمعاصي. تعظم الربا، تعظم السرقة، تعظم الكذب، تعظم الزنا، تعظم شرب الخمر، وهو عظيم عند الله، ليس بالأمر يسير، كبيرة. لكن إذا قارنتها بالإيش بالشرك ولو كان شركاً إيش أصغر، أيهما أعظم؟ الشرك أعظم في دين الله، في دين محمد الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمه محمد الصحابة والصحابة للتابعين، حتى وصلنا إلى اليوم. في دين الله الشرك أعظم، والشرك الأصغر أعظم من الكبائر. لماذا الناس ما زالوا عندهم موروثات شعبية، عندهم موروثات عن الآباء والأجداد؟ وجدنا آباءنا على أمة لكن بصورة أخرى، فتجدهم في الإسلام لكن لا يعظمون ما عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يزنون الأمور بالموازين الشرعية، فتجدهم يعظمون السرقة أشد من الشرك الأصغر. شوف واحد معلق تميمة، ومعلق مثلا هذه الحظاظة الآن بدأت تنتشر، الخيوط يضعونها هنا قال ايش تجلب الحظ، وهي شرك اصغر لانها سبب لم يجعل الله سبب. فتجدهم يعني امر هذا عندهم يسير، بينما لو سرق وزنا وشرب خمر يعظمونه. لا يا اخواني، يجب ان نزن الامور بموازينها، ويجب ان نضع الامور في اماكنها، وان نعظم ما عظم الله. الشرك الاكبر هو اعظم شيء، وان تجعل لله ندا وهو خلقك تعبد غير الله ولو مع الله. ثم ذلك الشرك الأصغر وهي الأسباب، ثم بعد ذلك تأتي إيش البدع، ثم بعد ذلك تأتي الكبائر، ثم بعد ذلك تأتي الصغائر. هذه كلها أمور يجب أن تقيس هذه الأمور بمقياس الشرع. والبدعة في الدين بعد الشرك الأكبر وبعد الشرك الأصغر تأتي مرتبة البدعة، الابتداع في الدين، أن تشرع في الدين عبادة يتعبد الناس فيها لله لم يشرعها الله ولا رسوله في كتابه. معلش ابتعدنا شوي لأن هذا شيء مهم. أمر البدعة خطير جدا، لذلك في مسند الإمام أحمد صح الألباني إن الله احتجر، أي حجز، جعل حاجز بين المبتدع وبين التوبة، إن الله احتجر التوبة عن المبتدع حتى يدع إيش حتى يدع بدعته. وقد سئل الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ قال ما معنى احتجز أو احتجر؟ قال لا يوفق للتوبة. لماذا؟ لأن المبتدع يعتقد أن البدعة إيش حق، يعتقد أنها دين. يعني تصور أنا أجي لك أقولك يا فلان لا تصلي صلاة الفجر، صلاة الفجر بدعة، إيش مقبول هذا؟ كيف صلاة الفجر بدعة؟ كذلك المبتدع يعتقد أن هذه البدعة التي يفعلها ويتقرب فيها يظن أنها دين فلا يدعها، فتحتاج إلى أمور ومقدمات كبيرة حتى توصل له المعلومة. الشاهد يجب أن نعظم ما عظم الله، لا نمشي على العادات وعلى التقاليد، ما عظمته العادات والتقاليد نعظمه، وما هونته العادات والتقاليد نهونه. لا، يجب أن نكون تحت الشرع وتحت ميزان الشرع. لذلك نرجع إلى حديث البخاري ومن أصاب من ذلك ثم ستره الله، أي لم تقام عليه الحدود وستره الله سبحانه وتعالى، فيكون أمره يوم القيامة إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء إيش غفر له. هذا لمن تاب، لمن مات ولم يتوب. ولم يتب وقد أصاب من هذه الأمور التي ذكرناها. نعم على مقلوب هذا منها كيف حاجة عشر 18 Alors, nous continuons donc après le chapitre 10, il y a le chapitre 11, où l'imam al-Bukhari cite un hadith de la part de Ubada ibn Samit, radiallahu anhu, l'un des combattants à la bataille de Badr et l'un des chefs désignés la nuit de Al-Aqaba. La nuit de l'Aqaba, c'est la nuit où les compagnons, donc les Ansar, donc les, tout d'abord donc l'Ansar qu'on avait cité dans le hadith précédent, c'est les habitants de Médine. Les habitants de Médine qui ont accueilli le prophète alayhi salatu salam et qui ont donc attesté qu'il n'y a pas d'autre divinité si ce n'est Allah Azza wa Jal et que Muhammad alayhi salatu salam c'était le dernier des prophètes et des messagers. Donc les Sahaba, les Ansar, il y avait une délégation de leur part lors des pèlerinages pour rencontrer le prophète alayhi salatu salam et pour lui prêter serment. Et dans cette délégation, donc, il y avait plusieurs groupes et ils ont désigné donc un représentant de chaque groupe pour venir auprès du prophète alayhi salatu salam lui prêter serment, donc lui faire la bay'a. Et parmi ces personnes qu'ils ont envoyées auprès du prophète alayhi salatu salam, qui était donc un des Nuqaba, un des dirigeants des Ansar, il y avait Ubada ibn Samit radiallahu anhu, qui a donc participé à la bataille de Badr. Et qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète alayhi salatu salam? Donc je reprends le hadith, l'un des combattants à la bataille de Badr et l'un des chefs désignés la nuit de l'Aqaba par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, le messager entouré d'un cercle de ses compagnons dit, prêtez-moi serment de ne jamais associer de divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que le prophète alayhi salatu salam il a procédé par le péché le plus important, le péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala en aucun cas peut pardonner. D'ailleurs, le verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Donc, certes, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on lui prend d'associer. Et il pardonne au reste, donc à qui il veut, ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc, la première des choses, donc, on considère la personne, il est mort sur le shirk. Il ne s'est pas donc repenté par la suite, qu'il n'a pas demandé pardon, qu'il n'est pas revenu donc à l'unicité. S'il meurt dans cet état, il est dans l'enfer, voilà, yadu billah. D'où l'intérêt à ce que donc la première des choses qu'il va falloir éviter, c'est d'associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, on voit, le prophète alayhi salatu salam, il va énumérer un certain nombre de péchés que le musulman est censé éviter, s'en écarter. Et on voit bien qu'il y a tout d'abord donc un degré. Il y a une différence entre le péché majeur et les péchés mineurs. Et même dans le péché majeur, il y a plusieurs degrés. Et quand on prend le cas du shirk, le shirk par excellence, c'est le péché majeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala en aucun cas peut pardonner. Et si toutefois la personne meurt dans cet état, il meurt en étant désobéissant donc à Allah azza wa jalla. Il ne pourra en aucun cas bénéficier de la miséricorde et de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Il meurt comme kafir. Alors que les autres péchés majeurs, s'ils sont accomplis par le serviteur, donc il y a deux catégories. Soit la personne de son vivant, il se repentit, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et sera pardonné. C'est aussi le cas pour le péché de shirk. Donc l'ensemble des péchés, y compris donc le shirk, c'est la personne revient à Allah Azza wa Jal, demande pardon et il s'écarte de ses péchés, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa miséricorde et sa clémence. Si toutefois, je parle uniquement des péchés autres que le shirk, on a dit le shirk, c'est la personne meurt avec le shirk, il est éternellement dans l'enfer, à part s'il se repentit. Dans le reste des autres péchés, surtout donc les péchés majeurs, Si la personne ne demande pas pardon et il meurt dans cet état, donc s'il demande pardon, il n'y a pas de problème. Donc, il retrouvera le pardon, la miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal. Par contre, s'il ne demande pas pardon à Allah Azza wa Jal, celui-là, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il lui accorde sa miséricorde et sa clémence. S'il veut, subhanahu wa ta'ala, il va le châtier. Donc, il est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Je citerai tout d'abord le hadith. Le prophète, alayhi salatu salam, leur dit, prêtez-moi serment de ne jamais associer de divinité à Allah, subhanahu wa ta'ala. De ne jamais commettre de vol, ni d'adultère, ni d'infanticide. De ne jamais forger de mensonges odieux que vous jetez à la face des gens. Et de ne pas désobéir en ce qui est réputé convenable. Celui qui tient son engagement, Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera. Mais celui qui commet une transgression à ce serment et en subit le châtiment ici-bas, ce châtiment sera pour lui une absolution. Celui qui enfreint un article de ce serment et qu'Allah couvre ici-bas dans ce bas monde, son cas sera jugé par Allah dans le delà. Il pourra le punir ou lui faire grâce. Alors nous lui avons prêté serment, dit Ubada ibn Samit radiallahu anhu. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il y a certainement des catégories dans les péchés. Le prophète alayhi salatu salam, il a cité la première des choses qu'il va falloir éviter et se désolidariser, c'est le shirk. Le shirk, il disait que il nous arrive par tradition, ce qu'on a pris l'habitude, c'est un homme pieux commet donc l'adultère, ou c'est un homme pieux pratique donc riba. Certes, donc l'adultère comme riba relève des péchés majeurs qu'il faut condamner. Mais c'est donc la réaction des gens quand ils entendent qu'un tel pieux il a commis donc un péché majeur, tout le monde va le condamner. Et il va le condamner avec force, voire même avec brutalité. Il dit, il se peut que quelqu'un d'autre commet le shirk, pas le grand shirk, on peut parler donc du shirk al-asra. Les gens qui mettent par exemple autour du cou, autour donc des bras, des amulettes, en pensant que c'est un moyen qui leur permettra de repousser le mal ou d'avoir un bien. C'est du shirk. Dans la religion d'Allah Azza wa Jal, le shirk il a plus d'importance que le péché majeur, que la fornication, que les boissons alcooliques et autres. Certes, tous ces péchés-là, il faut les condamner, mais il y a des degrés. La réaction des gens quand la personne a commis de l'adultère, j'ai dit, tout le monde va réagir avec brutalité, avec force contre la personne, mais quand on le voit commettre du shirk, ben si toutefois on lui fait une remarque, ça sera une petite remarque et on passera à autre chose. C'est qu'on n'a pas donné à chaque chose sa place dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. C'est qu'on a inversé les degrés. Les choses les plus importantes, on les considère moins importantes. Et les choses les moins importantes, on les considère les plus importantes. Et tout cela parce que c'est par tradition, par ignorance. Alors que dans la loi d'Allah Azza wa Jalla, le shirk, c'est le péché par excellence qu'il va falloir le condamner. Même dans le shirk, il y a deux catégories. Il y a le grand shirk, où la personne il est éternellement dans l'enfer. Le shirk mineur, al-asrar, où la personne rendra des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal. Après, donc, cela, il y a, en catégorie de péché, il y a la bid'a. Donc, la bid'a, c'est l'innovation dans la religion. Et l'innovation dans la religion, elle est plus importante que les péchés majeurs. Que ce qu'on... Il fait partie des péchés majeurs, bien sûr, mais elle est plus importante que les boissons alcooliques, que le riba, que la fornication, que le mensonge, l'adultère, la médisance et autres. Et pourquoi? Parce que donc, l'innovateur, il pense bien faire. C'est comme si quelqu'un vient nous dire, n'accomplis pas la prière de l'Fajr, c'est interdit. Tu vas le prendre pour un malade, pour un fou. Il dit, la prière de l'Fajr, c'est obligatoire. Comment tu peux donc venir me dire, je n'ai pas accompli la prière? Al-Mubtadi', c'est la même chose. L'innovateur, c'est la même chose. Quand tu viens lui dire ce que tu es en train de faire, il est contradictoire à la loi d'Allah Azza wa Jal, il va te dire, mais lui, il est convaincu qu'il est sur la droiture. Donc, son danger, il est plus important que le danger de Sahib al-Kabira Pourquoi ? Parce que celui qui commet donc d'autres péchés qui sont considérés majeurs, le buveur d'alcool, quand tu viens lui faire la morale, quand tu viens lui dire « Taqillah, crains Allah Azzawajal », il reconnaît ou il ne reconnaît pas ? Il le reconnaît. Il ne va pas donc chercher donc à éviter. Il va te dire « Demande à Allah Azzawajal, invoque Allah Azzawajal qu'il me débarrasse de ce mal ». L'innovateur, ce n'est pas la même chose. L'innovateur, il va persister. Il est convaincu qu'il est sur la droiture. Donc, son danger, il est plus important que celui du... que celui commis par la personne qui commet un péché majeur. Donc, Cheikh, il rappelle que dans la aqidah de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, la personne qui a commis donc un péché majeur, donc on cite dans le hadith un certain nombre, celui qui a commis donc un vol, celui qui a commis l'adultère, l'infanticide, c'était quelque chose que les Arabes à l'époque pratiquaient en grande quantité. Donc ils tuaient donc leurs filles, parce que donc c'était un porte-malheur pour eux, et ils tuaient donc les garçons par crainte donc d'être pauvres. De ne jamais forger de mensonges odieux que vous jetez à la face des gens, et de ne pas désobéir en ce qui est réputé convenable. Sur ce point-là, quand on a quelqu'un qui nous donne un ordre, et cet ordre ne va pas à l'encontre de la parole d'Allah Azza wa Jalla, ni de celle de son prophète, alayhi salatu wa sallam. Il va falloir lui obéir. Il va falloir l'écouter, le suivre. Donc, tous ces péchés-là, donc la aqidah de Ahl-Sunnah wal Jama'a, il consiste à dire quoi ? Il consiste à dire tout simplement que celui qui a été sanctionné dans la vie de ce bas monde par les hudoud, les sanctions, dans la loi d'Allah Azza wa Jalla, il y a des sanctions. Il y a ce qu'on appelle les hudoud. Et les sanctions, elles sont là pour répartir l'anomalie et le péché commis par le serviteur. Donc, quand il a subi cette sanction, c'est un moyen de faire sa tawba, de se repentir. Donc, auprès d'Allah Azza wa Jal, il s'est acquitté du péché qu'il a commis. Si toutefois, dans la vie de ce bas monde, Allah Azza wa Jal le couvre et n'est pas sanctionné, cet homme-là ou cette femme sera jugé par Allah Azza wa Jalla dans l'au-delà, il pourra soit le punir subhanahu wa ta'ala, soit lui pardonner. Il est donc entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. S'il veut, il lui pardonne. S'il veut, il va le punir, mais il ne sera pas éternellement dans l'enfer, contrairement donc à l'aqidah égarée d'autres sectes et d'autres groupes. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب 19 من كتاب الإيمان: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. يعني يريد أن يبين البخاري في هذا الباب أن الإسلام إذا أريد به الدين كله فيدخل فيه الإيش؟ الإيمان، وإذا أطلق وحده فيطلق به إيش؟ الأعمال الظاهرة والإيمان، إذا أفرد وأطلق وحده فيراد به الأعمال الباطنة كما ذكرنا. فيقول الله جل وعلا كما قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني بدأنا نتبع في الأعمال الظاهرة، أما حقيقة الإيمان تكون في القلب ولا تشهد بها، إنما الله سبحانه وتعالى يعلم بها. وإذا أراد أحد أن يزكي إنسان فيقول فلان كذا وكذا، إيش نحسبه والله حسيبه، لأنك تقول على حسب ما ترى من الظاهر. أما إذا أراد به الإسلام بمعنى الإيمان وبمعنى الدين كله فهذا يعني يدخل فيه الإيمان. يقول تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي يشمل الإيمان. ثم يستدل على هذا الباب وعلى هذا الأمر بحديث أو بأحاديث، ثم سوف تأتي منها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة والإمام والحاكم أعطى مجموعة من الناس الرهط، يعني هم من الثلاثة إلى العشرة، وقيل أكثر. أعطى هؤلاء مال، يعني الخليفة الحاكم هو المتصرف في المال، فإن صرفه بوجه حق فهو مأجور، وإن صرفه بوجه باطل فهو إيش؟ مأزور وأمره إلى الله. لكن من حقه أن يتصرف في المال للمصالح كما سوف يأتي. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناس ومنع ناس، فقال سعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وهو أعجبهم إلي. يعني أعطى ناس، واحد أنا يقول سعد أنا أشوفه أنه كويس طيب، ليش ما أعطاه النبي؟ يعني أرى أن أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله فوالله إني لا أراه مؤمن. يعني أقسم، قال: والله إني أشوف أن هذا مؤمن، ليش ما تعطي؟ يعني رجل طيب وصالح، ليش تعطي هذه الأشكال هم الله أعلم فيهم وما تعطي هذا؟ فيه جواز تصرف الإمام والحاكم في إعطاء المال بحسب المصالح، وقد تكون هذه المصالح تخفى على الشعب أو بعض الشعب أو أغلب الشعب وهو يعلمها، فيعطي الدولة الفلانية والدولة الفلانية ليتألفها وليحصل على منافع حتى لا تؤذيه، لأن الضرر فيه أو في حكمه سوف يعود على من؟ على الشعوب. فتجد هذا الحاكم يعطي هذا الشعب أو هذا الحاكم أو هذا الآخر، ربما يكون يعني غير مسلم، يتألفه حتى إيش؟ يأمن من شره، وقد يغضب هذا الشعوب. لكن يجب أن يفهم أن من حقه أن يتصرف ومن حقه أن يعطي ويمنع حسب ما يراه مصلحة التي قد تخفى على كثير من الناس. فلذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ناس ما يستحقون في نظر سعد، والذي يستحق ما أعطاه، قالوا: إني لا أحسبه مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أو مسلم؟ يعني بدل ما تقول مؤمن قول مسلم، لأنك بحسب ما ترى إيش من الظاهر الأعمال، لكن الداخلية الإيمانية ما يعلمها إلا من؟ لذلك الصحابي لما قتل الكافر حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله، إيش قال له؟ قال: أقتلته بعد أن قالها؟ قال: ما قالها إلا إيش؟ خايف من السيف، يوم شاف السيف يضرب عليه. قال: أشققت عن قلبه؟ أنت الأمور الداخلية الإيمانية ما تعرف لماذا قالها صادق ولا كاذب، أنت عليك في الظاهر، مدام أظهر الإسلام عليك أن تعامله معاملة الإيش؟ لما قال هو مؤمن قال: أو مسلم؟ يعني يقول مسلم حسب ما تشوف. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، يعني ما قدرت أتحمل، لأني أنا أعرف أنه رجل طيب ويعطي هذين، وهذين ما يستحقون. لكن الحاكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم لحكمة. فعدت لمقالتي: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم فمنه، فعدت من مقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. هذا اللي يسمونه إيش في بند الزكاة الإيش؟ الزكاة كم واحد بنود اللي يستحقونها؟ 8. إنما الصدقات فقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. المؤلفة قلوبهم، هؤلاء من المؤلفة، رؤوس الكفر ورؤوس الناس لإيمانهم ضعيف، يعطون من المال حتى يدخلون في الدين، ثم بعد ذلك يؤثرون على إيش؟ من تحتهم فيدخلون. هذا شوف لهم بند، لهم باب في الزكاة من أجل أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، يعطون من أموال المسلمين وهم فسقة فجرة ربما كفرة ورؤوس، من أجل إيش؟ لذلك الذي يراه الحاكم لا يراه كثير من الشعوب. طيب، قال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. إذن السبب في الإعطاء أن يعني من أجل أن لا يكب في النار. شوف، انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرقته أن يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى، ولو قدم لهم وهم لا يستحقون بالنسبة لغيرهم من المؤمنين ومن الصحابة ومن الطائعين ومن المسلمين، يعني هؤلاء أولى، ومع ذلك يكل هؤلاء إلى إيمانهم ويعطي هؤلاء المال من أجل إيش؟ أن يتألفهم، أو لربما من أجل إيش؟ أن يأمن من مكرهم وشرهم. نعم. Donc un autre chapitre intitulé « Quand la conversion à l'islam n'est pas sincère et qu'elle se produit suite à reddition ou par crainte d'être tué ». Donc dans ce chapitre-là, l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, après avoir abordé la notion de l'islam qui consiste à la pratique à travers les actes et que l'iman c'est ce que réside dans al-qalb, dans le cœur, l'imam al-Bukhari ici va rappeler un verset coranique pour montrer tout d'abord que quand l'islam il est cité avec le sens d'appliquer la totalité, la globalité donc de la religion, certainement donc la foi elle est dans cette définition de l'islam. Et pour dire ça, donc, pour désigner ça, l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, il dit, il n'est pas agréé par Allah Azza wa Jal, car Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut dit, nous croyons Allah, ont affirmé les Bédouins. Dis-leur, vous êtes loin de croire. Dites plutôt que nous soumettons, la foi n'a pas encore gagné vos cœurs. Donc ça, c'était une réponse, une réplique donc aux Bédouins qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, ô prophète d'Allah, nous sommes des mu'minoun, nous sommes des croyants. Donc la croyance, c'est ce qui réside dans le cœur. Et l'islam, donc c'est ce qui se manifeste à travers la pratique. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, donc après avoir mentionné, nous croyons Allah azza wa jal, et qu'ils ont donc affirmé donc, avec force devant le prophète alayhi salatu wasalam, qu'ils étaient croyants, Allah Azza wa Jalla leur dit, dis-leur, vous êtes loin de croire, dites plutôt que nous sommes semis, la foi n'a pas encore gagné vos cœurs. Donc certes vous faites, vous manifestez à travers les pratiques donc, comme quoi donc, vous êtes musulmans, mais ce n'est pas pour autant que vous avez atteint la foi. Mais quand la conversion est sincère, donc toujours l'imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi qui dit, mais quand la conversion est sincère, elle est conforme au verset où Allah subhanahu wa ta'ala le Très-Haut dit, la vraie religion pour Allah, c'est l'islam. Dans ce sens-là, le terme islam englobe la foi. Donc c'est l'islam dans sa totalité. Il nous cite l'imam al-Bukhari un premier hadith. Un hadith qui a été rapporté de la part du Sa'd radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit des dons à un groupe de gens en ma présence, donc dit Sa'd, et n'en donna pas une personne qui me paraissait la plus méritoire. Donc tout d'abord, on est dans le cas où c'est le prophète alayhi salatu wasalam qui va partager, qui partage donc les biens, les dons. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un certain nombre de personnes qui étaient présentes et il n'en donnera pas une personne. Et la personne en question à qui il ne donne pas, Sa'd, l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, pour lui apparaissait que cette personne mérite le don plus que les autres. Tout d'abord, ce qu'on doit retenir, c'est que le chef de l'État, bon, en l'occurrence ici c'était le prophète alayhi salatu wasalam, mais dans le pays, donc le chef de l'État, il est en droit, quand il a donc des donations, à choisir à qui donner, à qui ne pas donner. Et beaucoup de fois, c'est pour des choses, pour des intérêts que l'ensemble des sujets ne connaissent pas. Il n'est pas censé nous donner toutes les informations. Donc il y a certainement souvent des accords entre les États qui font que un gouverneur ou un président ou un roi ou autre font des donations et l'ensemble des gens n'apprécient pas donc la manière ou la façon à qui on a donné. Donc ils le font savoir, alors que certainement il y a d'autres intérêts qu'on ne connaît pas et il n'y a que le gouverneur ou que le dirigeant qu'il connaît, donc il va falloir, dans ce cas-là, lui faire confiance. Si toutefois le gouverneur s'acquitte de ses dons dans un droit bien précis, il aura de la part d'Allah Azza wa Jalla la récompense qu'il mérite. Et si il ne donne pas ce bien qu'Allah Azza wa Jalla lui a confié dans la voie de droiture, il répondra de son acte auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc il a cette part de responsabilité. Mais ce n'est pas donc, au sujet de venir réclamer ou de venir donc s'opposer à la décision du gouverneur. En tout cas, on voit bien à travers l'attitude de Saad, radiallahu anhu, qui était assis auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui le voyait, sallallahu alayhi wa sallam, donna à plusieurs personnes, et non donna pas à une personne que pour Saad, il lui apparaissait ou lui paraissait la plus méritoire. Il lui dit, envoyé d'Allah, pourquoi as-tu négligé un tel? Envoyé d'Allah, pourquoi as-tu négligé un tel? Par Allah, il me paraît croyant. Donc il jure par Allah Azza wa Jal, il me paraît donc c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui a donc la croyance. Le prophète, il lui dit, dis plutôt musulman. Dis plutôt donc musulman. C'est ce que nous concerne. C'est qu'il y a, l'iman et il y a l'islam. Il lui dit, dis plutôt musulman. Donc il a l'apparence. Donc il pratique. Mais la foi, elle réside dans son cœur. Et ça, il y a qu'Allah Azza wa Jal qui le sait. Il lui dit, dis plutôt musulman. Répondez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors je me tue un moment. Donc c'est toujours Saad radiallahu anhu. Il se calme, il se tue donc un moment. Mais je ne puis me retenir vu le bien que je connaissais de cet homme. Je réitérerai mon intervention et dis, pourquoi as-tu négligé un tel envoyé d'Allah Azza wa Jal? Donc il réitère donc une deuxième fois, donc il redemande la même chose. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit, donc, ou plutôt Saad, il lui dit, je jure qu'il me paraît croyant. Donc, une deuxième fois, il jure par Allah Azza wa Jal qu'il me paraît croyant. Il lui dit, dis plutôt musulman, répondait donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je me retins un moment. Mais le bien que je connaissais de lui m'incita à renouveler ma demande. Regarde, c'est la troisième fois. Et le messager d'Allah me fait la même observation. Donc, lors de la troisième, il redit la même chose, alayhi salatu wa sallam. Puis il dit, Saad, sache que je donne à l'un alors qu'un autre m'est préférable. Sache que je donne à l'un alors que l'autre m'est préférable. Certes, l'autre, il peut être donc préférable pour moi, mais je donne à un autre, moins préférable pour moi, de peur que le premier ne soit jeté en enfer. Celui, il a la foi, dont toi-même t'as juré par Allah Azza wa Jalla qu'il a la foi. Donc il a la foi. Donc il n'a pas besoin que je lui donne de l'argent pour consolider sa foi ou pour réaffirmer sa foi. Et là, la foi en Allah Azza wa Jal, il se contente de ça et il demande à Allah Azza wa Jal. L'autre, il a cette faiblesse. Il a une faiblesse. Donc je lui donne pour consolider sa foi. Et par crainte, pourquoi? Par peur de quoi? Par peur que cette personne-là ne soit pas égarée par la suite, il ne prend pas un autre chemin autre que le chemin de la droiture. Et il mérite l'enfer. On voit bien le souci du prophète, alayhi salam. Ce n'est pas de privilégier quelqu'un qui a moins de pratiques ou quelqu'un qui a plus de pratiques. Ou un non-musulman par rapport à un musulman. Parce que même dans la zakat, les catégories de personnes à qui Allah Azza wa Jal accorde la zakat, il y a ceux dont on parle, les mu'allafat al-quloub, ceux dont les cœurs ils sont encore hostiles, opposés à l'islam. Ils ont encore des choubouhats, des doutes dans leur tête. Et on veut donc les ramener à l'islam. Soit donc à travers cette zakat, on va les ramener donc à prêter foi à Allah Azza wa Jal et à suivre donc la voie du prophète alayhi salatu salam, ou au moins à éviter leur mal, à repousser leur mal, à ce qu'ils ne s'opposent pas à la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc on peut même donner la zakat à un non-croyant, à un non-musulman, parce que donc on le craint. Et on craint donc son mal. Et on sait qu'il pourra faire énormément de mal à la société. Surtout s'il est un chef, ou un gouverneur, ou un président, ou un roi. Donc il a derrière lui toute une équipe, toute une armée. Il peut donc s'opposer donc à l'islam. Donc on le rachète. On l'achète à travers donc cette donation pour écarter son mal. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Il met certes, parfois donc, sache que je donne à l'un alors qu'un autre m'est préférable. Donc ceux qui ont la foi, donc certainement ils sont préférables au prophète que ceux qui n'ont pas la foi. mais il y a certains mots, d'autres raisons qui rentrent en jeu. Et là, c'est le chef de l'État qui en parle. Et le chef de l'État, il ne peut pas donner tous les éléments à tous les à tous ces sujets. Il ne va pas parler donc avec tout le monde, je l'ai donné parce que ceci, cela. C'est la raison pour laquelle il va falloir leur faire confiance. Et si toutefois, donc, comme on l'a rappelé, s'il a donné à des personnes donc en mesure, donc, qui ont le droit de récupérer donc, ses dons, c'est qu'il a bien agi. Si toutefois il a mal agi, elle répondra de son acte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب العشرون باب إفشاء السلام من الإسلام يعني من علامات الإسلام التي يتحلى بها المسلم تجده أنه يفشي السلام أي يكثر نشر السلام في السر وفي العلن وفي الإفراد وعلى الجماعات تجده دائما يسلم وقال عمار وهو ابن ياسر الصحابي المعروف ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك يعني تقول الحق ولو إيش ولو على نفسك وهذا أمر يعني ليس بالأمر هين كن قوامين لله شهداء بالغصد ولو على إيش على نفسكم أو الوالدين والأقربين فالقول القسط وقول العدل على النفس ليس بالأمر الهين وهذا يبتلى فيه كثير من الناس إذا أردت أن تعرف أنك يعني عندك من صفات الإيمان أعرف أنت منصف ولو في نفسك تقول كلمة حق ولو على نفسك فأعرف أنك عندك صفة عظيمة جدا من صفات الإيمان الثلاثة التي ذكرها عمار وأصل هذه الصفات حديث لكن البخاري من فقهه أنه يذكر في الباب أحاديث أو معاني أحاديث أو يأتي بها أحاديث بالمعنى لأن هذه الأحاديث ليست على شرطه ولكنها صحيحة فيذكرها في الأبواب يعني يستدل بها لأمر معين لحديث سوف يذكره على شرطه فذكر هذا الأثر هذا الحديث الذي ذكره عمار أصله عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح وأصله عند مصنف عند ابن أبي شيبة في المصنف وهو حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري فذكره في الباب هذه نقطة يعني يتنبه لها طلبة العلم المهم أنه قال الإنصاف من نفسك وقلت لكم هذا أمر صعب إذا ما تعود نفسك عليه وتربي نفسك عليه لن تقول كلمة الحق على نفسك أنت ممكن تقول الحق على صديقك تقول لا فلان نعم فعل كذا وخرج ودخل وقال وأكل و تشهد عليه بما تريد أن يستشهد عليه لكن حينما تأتي إلى نفسك هل فعلت كذا؟ ها؟ لا أنا ما فعلت أنا ما قلت أنا ما ذهبت أنا ما خرجت أنا كل هذا عيش حتى يشتبرر نفسك لا قل كلمة الحق ولو إيش ولو على نفسك بل أعظم من هذا أمر الإسلام أن نقول كلمة الحق ولو في أعدائنا ولا يمنعنا العداء ولا يمنعنا الخلاف ولا يمنعنا الكفر ولا يمنعنا الابتداع يعني مع المخالف أنه مبتدع أو فاسق أو كافر أن لا نقول فيه كلمة الحق ولو كان الحق من صالحة وأن نشهد له بالحق ولو كان الحق من صالحة ودل على هذا الإسلام قال الله جل وعلا ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم أي كون بينكم وبين قوم خلاف ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أمر من الله سبحانه وتعالى أن نقول الحق ولو مع من بيننا وبينه إيش خلاف سواء هذا كان خلاف فسقي أو خلاف بدعي أو خلاف كفري أو خلاف ظلم لابد أن نقول كلمة الحق وأن نعدل ولو مع إيش مع المخالف ولو مع إيش مع الخصم فكيف إيش مع نفسك لابد أن تقول كلمة الحق قال الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم يجب أن تبذل لهم السلام والمقصود هنا بالعالم المسلمين أما غير المسلم لا يبتدأ بالسلام أبدا تقول مرحبا أهلا صباح الخير صباح النور بأي لغة كانت، لكن ما تقول له لفظ إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبدا. هذا لا تقال إلا لمن؟ للمسلم. قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأ أهل الكتاب إيش؟ السلام. لكن لا يعني هذا أنك ما ما ما ما ترحب بهم بأي ترحيب آخر إذا كان من العرف والعادات، لما لأن الله سبحانه وتعالى قال وقولوا للناس حسنا. أما الأمور الشرعية اللي تخصنا المسلمين ما نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله، هذه خاصة لمن؟ للمسلم. أما غير المسلم تقول له إيش؟ بونجور بسوار، يجوز هذا الشيء، لكن ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الشعار خاص للمسلمين. وهذا معنى الحديث لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، أي بقولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال والإنفاق من الإقتار. الله. وأظن أن البخاري أتى بهذا الباب وأتى بهذا الحديث وهذا الأثر لهذه الكلمة، قال والإنفاق من الإقتار. لماذا؟ إيش معنى الإنفاق من الإقتار؟ يعني أن تنفق وأنت إيش؟ فقير وأنت محتاج، لكن وجدت فقير آخر محتاج فأخرجت هذا الدرهم اللي عندك وأعطيته، ما عندك غيره أو ما عندك إلا شيء يسير، فأنفقت. وأخرجت هذا الطعام الذي عندك وأعطيت هذا الجائع فأنفقت. ما الذي يحملك أن تفعل هذا الفعل وأنت محتاج أن تنفق؟ ما الذي يحملك؟ عندك إيمان بارك الله فيكم، والله لو خرجنا من هذا اليوم بس بهذه الفائدة كفاية. عندك إيمان وأنت فقير وأنت محتاج يحملك على أن تنفق وأنت منشرح الصدر، لأن عندك إيمان يقين أنه ما نقص مال. عندك إيمان ويقين بقوله تبارك تعالى ما أنفقتم من شيء فهو. من الذي يخلفه؟ من المقصود فهو؟ من المقصود؟ الله جل وجل جل في علاه. إذا عندك هذا اليقين وهذا الدين وهذا الإيمان، مش تنفق متردد والله أخاف أنفق هاليورو وما يرجع لي مرة ثانية، لا خل أمسكه ترى طلع ما عاد يجي ما عاد أشوف وجهه، خل أمسك اليورو هذا ما يروح. أما إذا عندك إيمان قوي أنفقت هذا اليورو سيرجع لك يورو، بل ربما يرجع لك إيش؟ عشر. وأقول لكم قصة، نحب القصص، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فقصص القصص، الناس تحب القصص. صديق لي من لبنان حدثني بهذه القصة وقعت له في نفسه، وأنا أعرف هذا الرجل ثقة ورجل عنده من الصيانة والديانة نحسبه والله حسيبه على خير عظيم. يقول كنت أدرس في الجامعة، فكنت في منطقة من مناطق لبنان بعيدة عن بيتنا، فكنت أسكن بالمسجد، لا نسكن في سكن طلبة، وفي رمضان نسكن في المسجد من أجل أن نحافظ على الصلوات وندرس. الشاهد ما أريد أطيل عليكم. يقول فقدمت لصلاة القيام فصليت في الناس، وقبل ليلة العيد بأيام في بداية رمضان أظن في وسط رمضان، المهم قبل العيد بأيام، وقع في قلبي الحديث أن الصدقة بإيش؟ بعشر أمثالها. يعني قلت إذا أخرجت أنا 100 راح ترجع لي 1000، وإذا أخرجت 1000 راح يرجع لي كم؟ 10,000. يقول والله ما قلت تشككا، لكن وقع في نفسي شيء، فقلت أنا الآن لا أملك مثلا إلا هذه مثلا 1000 ليرة، 1000 ليرة مبلغ بسيط، فقلت سوف أتصدق بها وأنا يقين ما عندي غيرها ومحتاج مال فقير هو، بأن الله راه يرجع ليها كم؟ 10,000. يقول مش شاك، لكن دخلت مع الله سبحانه وتعالى بصدق أني أبعطي 1000 لترجع لي 10، كأن إيش؟ وأنا على يقين، لكن يعني في نفسي في الحديث أبي أراه يطمئن قلبي كما يقولون، لكن أنا متأكد أن ربي راح يرجع لي. يقول فدار رمضان ودار رمضان، جت العشر الأواخر، صلينا في الناس قبل ليلة العيد بالليل، وأنا جالس أتهيئ للعيد أعلن العيد، جاءني واحد قال يا شيخ جزاك الله خير خذ هذا الضرب. أبدا والله، قال والله تأخذه، أقسمت عليك بالله والله تأخذ هذا المبلغ. يقول أنا ما عندي شيء، يعني جلست في المسجد بس آكل أشرب، أرجو أن تأتي لي 10,000. يقول فما أن ذهب حتى اختبأت، يقول كذا، وفتحت المحفظة الظرف أفتح أحسب أحسب ولا 7,000. أوب المعادلة ما مشت، قلت ها 3,000 هذه ما جتني لأن الظهر أنا أصابني شيء من الشك كذا يعني، لكن أنا كنت متيقن الله راح يرجع 10,000. قلت اللهم لك الحمد، سجدت سجدة شكر وحمدت الله سبحانه وتعالى. ما أملك شيء، جلست الأيام الأخيرة في رمضان بس أكل وأشرب في المسجد، ما عندي شيء. والآن بعد العيد برجع لأهلي ما عندي شيء. ما أصبحنا الصباح صلينا العيد، جاءني الرجل قال يا فلان أنا كم أعطيتك؟ قلت الحمد لله جزاك. قال لا أسألك بالله، لأن شيء مهم جدا، أنا حساباتي تخربطت صار معي مشكلة. قال يا رجال الحمد لله، قال والله تخبرني، قال جزاك الله خير 7,000. قال الحمد لله الحمد لله، ويخرج 3,000 يعطي. قال والله أنا ويعطيك 10,000 لكن أخطأت أعطيت ضرب حق واحد ثاني. قلت اللهم لك الحمد. يقول والله بكيت. يقول أنا حسبالك بكيت من فرحة، أنا بكيت ليش؟ يعني كيف اليقين مع الله سبحانه وتعالى جاتني 3,000. يقول جاءتني 10 كاملة. لذلك الإنفاق أعظم ما يكون، لأنه من إيمان، من وقت الفقر، وأن تنفق وأنت شحيح وأنت محتاج تنفق لأن عندك يقين. لذلك أبو بكر لما هاجر قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم إيش؟ الله ورسوله. ليش؟ كان عندهم الإيمان واليقين أن الله ما راح يضيعهم، لأن في سبيل الله، وعند أهله وزوجته وأولاده يقين إن الله ما راح يضيعهم. فلذلك هذه مسألة مهمة انتبه لها، لا تكلف أهلك ما لا يطيقون. أنت عندك إيمان ويقين وأهلك ما عندهم إيمان ويقين مثلك، فلا تحمل ما لا يطيقون، فلا تروح تعطي الناس وتمنع أهلك بحجة إيش؟ إن الله سبحانه وتعالى يتكفل فيهم. لا، مثل ما تعطي الناس أعطي أهلك، بل أعطائك لأهلك أفضل من أعطائك للناس. دينار تنفقه على أهلك وزوجتك وأولادك أفضل من دينار تنفقه في سبيل الله وعلى الفقر، أفضل. فالشاهد أن الذي حمل على الإنفاق وقت الإقتار هو اليقين، هو الإيمان، هو الدين، أن الله راح يرجع لهذا هذا هذا هذا المبلغ. والله نعم. Donc toujours dans ce chapitre-là, donc l'imam al-Bukhari donc intitule donc le bab le chapitre 20 par adresser le salut. Adresser le salut aux gens est un rameau de l'islam. Et il commence, rahmatullahi alayhi, par une parole de Ammar, radiallahu anhu, ce compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu. Sachant que donc, le cheikh il a fait donc, une remarque importante concernant donc, les hadiths de l'imam al-Bukhari et le choix donc, des hadiths. C'est donc l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, dans le choix des hadiths, il y a un certain nombre de critères. Ils ne sont pas les mêmes pour tous les savants de hadith. Et parfois, l'imam al-Bukhari, quand il intitule donc le chapitre, la plupart des fois, il l'intitule en fonction d'un hadith, en fonction d'un verset coranique, en fonction d'une parole d'un compagnon. Donc, il retire le sens de cette parole, il la met comme intitulé, et il va par la suite l'expliciter à travers donc soit un verset coranique soit à travers un hadith. Et quand il cite une autre parole comme là par exemple le titre donc adresser le salut aux gens est un rameau de l'islam, il va citer la parole de Ammar qu'il va citer ne relève pas des critères que l'imam al-Bukhari rahmatullah alayh lui-même a posé comme condition pour le choix des hadiths qu'il va mettre dans son ouvrage. Donc c'est pour cela qu'il ne le considère pas comme un hadith. C'est une parole à travers laquelle il retire donc, je dirais un titre, et par la suite il donnera les hadiths qui vont confirmer ce titre. Donc l'intitulé c'est adresser le salut aux gens est un rameau de l'islam. Il commence par cette parole de Ammar ibn Yasir radiallahu anhu qui dit: quiconque acquiert trois vertus acquiert la totalité de la foi. Donc Ammar radiallahu anhu il dit: quiconque acquiert donc ces trois vertus, il acquiert la totalité de la foi, à savoir reconnaître ses torts. Premier critère. La première vertu, reconnaître ses torts. Bien sûr, ça nous arrive de reconnaître les torts de tout le monde. On peut reconnaître les torts de nos épouses, de nos enfants, de nos amis. Mais il nous est toujours difficile de reconnaître ses propres torts et de les admettre. Et cela fait partie de la foi. Donc celui qui a du mal à reconnaître ses erreurs, de reconnaître ses torts, c'est qu'il a un manquement à la foi. Il va falloir donc le retravailler. Et quand tu as du mal à reconnaître que tu as commis donc une faute, quand quelqu'un vient te faire cette réflexion que tu as commis cette erreur et que tu ne veux pas l'accepter, que tu ne veux pas l'admettre et que tu ne veux pas la reconnaître, c'est qu'il y a un problème à ce niveau. Donc, chacun d'entre nous, il est censé être juste avec soi-même. Et être juste avec soi-même, entre autres, nous amène à reconnaître ses torts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme aussi dans les plusieurs hadiths du prophète alayhi salatu salam, chacun d'entre nous est censé dire la vérité même sur soi-même. Même si cette vérité va à l'encontre de toi-même. Même s'il peut donc t'amener à être perdant dans une affaire ou dans une autre. Donc on est censé dire la vérité. Et quand ça nous concerne, c'est un point qui montre à quel point on a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, c'est adresser le salut aux gens. Adresser le salam à tout le monde. Le alam ici, donc, c'est pour désigner les musulmans. Donc on adresse le salam, assalamu alaikum, qui est un acte d'adoration. Quand vous dites donc à votre frère assalamu alaikum, vous êtes en train de réaliser un acte d'adoration. Donc ce salam, on ne peut le dire qu'aux musulmans. Donc un non-musulman qu'on rencontre, on n'a pas à lui adresser le salam. C'est-à-dire cette parole-là, on n'a pas à lui dire assalamu alaikum. Donc on peut lui dire bonjour, on peut lui dire bonsoir, on peut lui dire donc ça va, tout va bien. On peut donc lui adresser d'autres façons de salutation. Mais pas le terme assalamu alaikum. Assalamu alaikum, c'est propre aux musulmans. Le musulman, quand tu le rencontres, tu lui dis assalamu alaikum. Un non-musulman, s'il te rencontre, tu ne peux pas commencer par lui dire assalamu alaikum. Tu peux donc le saluer par donc ce qui est d'usage chez ces gens-là, mais tu ne peux pas lui dire à travers cette parole qui est un acte d'adoration assalamu alaikum. De même, Le troisième donc critère, donc après avoir rappelé, reconnaître ses torts, adresser le salut aux gens, faire donc la sadaqa, l'aumône, aux gens alors qu'on est soi-même dans le besoin. La personne elle est dans le besoin, mais cela ne l'empêche pas de faire la sadaqa. En faisant la sadaqa, c'est qu'il est convaincu. Qu'il est convaincu que c'est Allah Azzawajal qui accorde, c'est Allah Azzawajal qui donne. Donc on a eu cette conviction alors qu'on est dans la difficulté, alors qu'on n'a que ça et on le donne. Donc c'est qu'on est convaincu que cette donation ne réduira en rien ce que j'avais. Au contraire, je suis aussi convaincu que plus j'en donne, plus Allah Azza wa Jal multipliera donc les biens qu'il m'accordera. Et pour chaque sadaqa, Allah Azza wa Jal multiplie par 10. Et Cheikh, il cite donc une histoire d'un ami à lui, donc libanais, qui était étudiant, qui était d'une famille donc pauvre, et qui habitait donc loin donc de sa famille pendant donc sa vie scolaire. Donc, il habitait dans une résidence universitaire. Et pendant donc la période de Ramadan, il faisait donc le, il vivait dans la mosquée. Donc il priait dans la mosquée, il vivait dans la mosquée. Parce que donc il était tellement besoin qu'il ne pouvait pas vivre donc à l'extérieur. Lui-même il en avait besoin. Et en même temps, donc c'était la proximité d'être à la mosquée, d'adorer Allah Azza wa Jalla, de profiter du mois de Ramadan. Il disait donc un jour donc pendant le début du mois de Ramadan ou vers la moitié du mois de Ramadan, il lui est venu dans l'esprit le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam disait: quand tu fais une sadaqa, Allah Azza wa Jalla en récompense tu la multiplies par 10. Il a dit: j'étais convaincu. Moi j'avais donc quelques, j'avais à peu près 1000 liras. Donc la monnaie donc je dirais donc libanaise, n'est pas une monnaie qui est très importante. C'est tout ce qu'il possédait. Il a dit donc si moi je donne les 1000, j'aurai de retour par Allah Azza wa Jalla 10 000. Donc il dit: j'avais la certitude, j'avais la conviction. J'ai mis les 1000. Ce que j'avais, je l'ai donné. Le mois de Ramadan passait, les jours passaient, donc un après l'autre. Et il dirigeait la prière dans la mosquée. Donc, il dirigeait, donc on l'a mis donc devant, il dirigeait la prière. Et le mois de Ramadan, il passait, jusqu'à un jour, là, deux jours avant, donc, la veille de l'Aïd. Donc un homme, il vient le voir, il lui donne une enveloppe. Il lui dit: non, j'en veux pas. Il lui dit: oh Allah, tu la prends. Il a dit: non, il lui dit: tu prends. J'ai géré par Allah, c'est pour toi, tu la prends pour toi. Il a dit: j'ai pris donc l'enveloppe, j'ai laissé l'homme repartir, j'ai commencé à vérifier. Je regarde, donc je trouve 7000. Donc j'ai donné 1000, je retrouve 7000. Le compte n'est pas bon, donc il manque 3000. Donc il s'est dit: soit c'est moi qui n'étais pas si convaincu par le hadith, donc c'est ma foi qui pose problème, ou soit, il a dit: dans tous les cas, alhamdoulilah, moi j'étais convaincu, si je donne 1000, j'en reçois donc 10 000, Allah m'a accordé 7 000, et il a fait une prosternation de remerciement à Allah Azza wa Jalla. A dit: le lendemain, l'homme en question revient le voir. Il lui dit: un tel, par Allah, dis-moi, il y avait combien dans l'enveloppe? Il lui dit: non, c'est bon, tu m'as donné ce que tu m'as donné, barakallahu fik. Il dit: non, par Allah, dis-moi la somme. Il dit: non, c'est bon, barakallahu fik. Il dit: non, parce que moi, dans mon calcul, j'ai fait un calcul, donc je me suis trompé. Donc je veux vérifier. J'ai besoin, c'est pour moi, c'est pas pour toi, c'est pour moi que je veux vérifier. Il dit: barakallahu fik, il a vu 7000. Il a dit: je savais que je me suis trompé. Il me manquait 3000. Il a dit: je sors les 3000, il lui donne. Il a dit: là, encore une fois de plus, j'ai remercié Allah Azza wa Jalla. Je lui ai dit: voilà, donc j'étais convaincu qu'en donnant les 1000, je reçois de sa part 10 000. Et ça, c'est donc c'est cette notion de certitude et de conviction. Donc Ammar radiallahu anhu citait trois qualités, trois vertus qui nous permettent d'acquérir la totalité de la foi, reconnaître ses torts, adresser le salut donc à l'ensemble des gens et faire donc sadaqa aux gens alors qu'on est soi-même dans le besoin. في هذا الباب ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي أعمال الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف، وقد مر علينا. وقال الإمام البخاري في الحديث 21: باب كفران العشير. الكفر هو التغطية والستر، ويقال للمزارع الذي يزرع كافر لأنه يستر البذور والحبوب تحت الأرض ويغطيها، ويقال للغيوم يعني كما قال الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني غطاها. كفران العشير أي تغطية حق العشير، والمقصود بالعشير هو المعاشر، والمقصود به إيش؟ الزوج. وكفر دون كفر، يعني هذا الكفر، المرأة التي تكفر زوجها وتجحد حقه وتغطي حقه وفضله ولا تظهره، وإنما تظهر إيش؟ مساوئه، هذا نوع من أنواع الكفر. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكفر ليس الكفر مخرج عن الملة، وإنما هو كفر دون كفر، أي دون الكفر الذي يخرج عن الملة، فهو نوع من أنواع المعاصي ونوع من أنواع الذنوب. هنا التقسيمات مهمة جدا يجب أن تضبط ويجب أن تعرف، وهذا ليس مجالها لكن هذا من باب التنبيه. وذكر الإمام البخاري هنا كفر العشير ليبين أن كما أن الطاعات كما مضى داخلة في مسمى إيش الإيمان والإسلام، كذلك يريد أن يبين الطاعات التي مرت علينا من إطعام الطعام وقراء السلام وغير ذلك والإنفاق وكذا وكذا، كما أن هذه الأعمال الطاعات من الإيمان، يريد أن يبين أن المعاصي كذلك من إيش من نوع من أنواع الكفر. فقال كفران العشير وكفر دون كفر، وفيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني. ثم قال وعن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار. وهذه القصة لها قصة طويلة جدا، وهي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة التي كانت في وقت كسوف الشمس، حينما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس خطبة طويلة، ذكر منها البخاري ذكر هنا المناسب من الحديث ذكر هذه القطعة هنا، قال أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير يعني الزوج، ويكفرن الإحسان أي الطيب والمعروف الذي يصنعه لهم أزواجهم، لو أحسنت أي إلى إحدى هؤلاء النساء، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر يعني عمرك كله ثم رأت منك شيئا أي تقصيرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا قول ما رأيت يعني غطت يعني كفرت نعمة هذا الزوج الذي كان يخدمها أنا الليل وأطراف النهار وفي خدمتها. طبعا نتكلم عن الأزواج الذين هم يعني أزواج بمعنى الحقيقة، أما أزواج هذا الزمان إلا من رحم الله يعني هي وياه شيء واحد، هي تعمل وهو يعمل، عنده سيارة عنده سيارة، بيت مشترك مع بعض، ما تعرف لأن الله سبحانه وتعالى تغيرت الآن سنن الناس، هذه تغيرت عقولهم. الله سبحانه وتعالى لما فضل الرجل على المرأة، ومن سنة الله سبحانه وتعالى التفضيل، يفضل الأكل بعضها على بعض، ويفضل الرسل تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض، والأيام والأشهر من سنته سبحانه وتعالى الكونية أن فضل الرجال على النساء، وذكر لهذا التفضيل حكمة، قال وبما إيش وللرجال عليهن درجة، فضل الله الرجال على النساء، قال وبما أنفقوا من أموالهم. فالأصل أن الزوج وأن الرجل هو الذي ينفق، هو الذي ينفق، لماذا؟ لأنه فضل بسبب إنفاقه، وفضل بسبب رجاحة عقله في الغالب، ولا بعض النساء أفضل من 100 رجل، لكن نتكلم عن الأمور التي تكون في الغالب. لكن تجد الآن العكس، المرأة هي التي تنفق، والمرأة هي التي تعمل، والمرأة هي التي صار كل شيء، والرجل يعني ربما بعض الرجال كما أعلم في مثل هذه البلاد لا يعمل شيئا، إنما هو جالس في البيت، ممكن يأتي الأولاد ويذهب بالأولاد، وأما المرأة هي التي تعمل وهي التي تذهب والتي هذا أمر خطأ جدا، يغير التركيبة النفسية عند المرأة وعند الرجل، ومن ثم يترتب عليه تأثير في الإيش في الواقع الحياتي اللي يعيشونه. إذا لم يكن الناس يعني متوائمون ومتناغمون على الطريقة الشرعية، وإلا سوف يحصل الخلل. لذلك يعني تجد أن من أسباب الطلاق يعني يدخل منها هذه الأمور، يعني خروج النساء وعملهن وبعض الأعمال، والرجال يعني في الغالب يعني لا يصنعون شيء إلا من رحم الله طبعا. فلذلك يجب أن تكون تركيبة صحيحة حتى يترتب عليها إيش النتائج الصحيحة ولا يحصل الخلاف. فلذلك قال ما رأيت منكن، قالت ما رأيت منك خيرا قط، فعوقبت بهذه العقوبة أنها أكثر النساء يوم القيامة من النار، وذلك بسبب أنها تجحد وتغطي فضل الزوج وحق الزوج عليها. لذلك يجب على الرجل أن يتنبه، ويجب على المرأة أن تنبه وأن تتنبه لمثل هذه الأمور حتى تعيش ويعيشون حياة صحيحة على وفق ما جاءت به الشريعة. لا تجحد حق الزوج وتقول كلمة الحق على نفسها وعلى زوجها وعلى أولادها، وبذلك تستقيم وتستقر الحياة الصحيحة. نعم. Donc, dans le chapitre qu'on avait soulevé tout à l'heure, adresser le salut aux gens est un rameau de l'islam. On avait cité la parole de Ammar radiallahu anhu. L'imam al-Bukhari cite un hadith parmi d'autres. Un hadith qu'un homme demanda au messager d'Allah qu'il ait la meilleure action en islam. C'est un hadith qu'on avait auparavant. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: c'est donner à manger aux pauvres et adresser le salut à ceux que tu connais et à ceux que tu ne connais pas. C'est un hadith qu'on avait précédemment et qu'on a déjà commenté. Après cela, l'imam al-Bukhari intitule donc un nouveau chapitre par l'ingratitude envers le conjoint. Le terme en arabe, c'est le kofran. Et le kofran, c'est le fait donc de dissimuler la vérité, de couvrir la vérité, de cacher la vérité. C'est ça le sens. Et l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayh, va rappeler qu'il s'agit d'un coffre en deçà d'un autre. Donc il y a une certaine catégorie. Donc il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Et là, le fait d'être ingrat envers son époux ou son conjoint fait partie donc de ce coffre, mais qui ne fait pas que la personne sort du cercle de l'islam. La personne est toujours considérée comme musulmane, mais elle a commis donc un acte qui ressemble à celui des kofars. Dans ce cadre, l'imam al-Bukhari cite un hadith d'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhumah, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'enfer me fut exposé. Donc c'est un long hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, c'était le jour où il y avait donc l'éclipse, et le prophète alayhi salatu wassalam il a énuméré un certain nombre donc de paroles donc dans un long hadith, et l'imam al-Bukhari il a retenu donc une partie de ce hadith qu'il a mentionné dans ce chapitre là. Il dit: l'enfer me fut exposé, ses habitants étaient en majorité des femmes pour leur ingratitude. Sont-elles ingrates envers Allah, lui demanda-t-on. Il dit: ils le sont envers leurs conjoints. Ils me connaissent leurs bienfaits. Si tu fais du bien à l'une d'elles toute la vie, et qu'une fois il constate une négligence, il dit: jamais, jamais je n'ai vu de bien de ta part. Donc ça, c'est l'attitude donc de la femme en règle générale. Donc quand il voit qu'un homme il a toujours été bienfaisant envers elle, qu'elle a toujours donc répondu favorablement à sa demande, et c'est fait qu'une fois qu'il ne répond pas donc favorablement à cette demande, qu'il réplique en lui disant: jamais je n'ai vu de ta part le moindre bien. Et par récompense, Allah Azza wa Jalla leur a accordé ce châtiment. C'est qu'ils seront les plus nombreuses dans l'enfer le jour de la résurrection. Cheikh, il commente en disant que ça, c'est dans le cas où l'homme, il est l'homme dont Allah Azza wa Jalla parle. Il est l'homme dont la sunna en parle. C'est l'homme qui est donc le moteur de la famille. C'est l'homme qui est donc le maître dans la famille. C'est lui qui gère. Allez, dans notre contexte aujourd'hui, alors que je sais pertinemment que dans plusieurs pays, il y a c'est la femme qui travaille, c'est l'homme qui est à la maison. C'est la femme qui gère, alors que l'homme il ne fait rien. Dans ce cas de figure, donc, on a inversé les rôles. Alors que le rôle principal revient à l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa loi, il a fait qu'il y ait des priorités. Et il a donné plus d'importance à des moments par rapport à d'autres, à des lieux par rapport à d'autres, à des gens par rapport à d'autres, à des prophètes par rapport à d'autres. Et en l'occurrence, il a accordé plus d'importance à l'homme par rapport à une femme. Mais à travers quoi? À travers cette responsabilité qu'il lui a confiée, à savoir subvenir aux besoins de son épouse. Si les rôles ils sont inversés, c'est aujourd'hui c'est la femme qui subvient aux besoins de son mari, donc c'est qu'on a inversé donc les rôles. Donc ce hadith-là, il s'applique bien sûr à partir de l'instant où l'homme lui-même respecte l'engagement et respecte la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée. Donc s'il y a des questions, donc on s'arrêtera inchallah ici. Si vous avez des questions, سبحان الله الخير في هذه الأمة عجيب. أنا الآن أقرأ رسالة على الهاتف جاءتني الآن. توفي أحد الأخوة البارحة رحمة الله عليه رحمة الله عليه، وكان رجل كريم وشهم وحب للخير. فالأخوة اليوم أرادوا يعني في الصباح أن يجعلوا له بعد أن دفنوا أن يجعلوا له وقف خيري، فقالوا نريد أن نبني له مسجد. فنشروا الخبر في الفيسبوك وسائل. فالآن جاء الآن متبرعين له بثلاثة آبار ماء. من وين يا أخواني؟ من ليبيا. قال لنا يعني بعثوا رسالة قال لنا هذا الرجل سمعنا أنكم تطرون عليه خير وكذا، وحنا أحببناه من غير ما نراه، فأنا أريد أتبرع عنه ببئر. والثاني قال يعني ثلاث آبار تبرعوا له من ليبيا. فيا أخواني الخير ما زال في هذه الأمة. لا يعتقد أحد منكم أن يعني الناس ضلت وأن الناس هلكت وأن الناس ضايعة وأن الناس ما فيها خير. الخير ما زال في هذه الأمة إلى أن إيش؟ إلى أن تقوم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو إيش؟ أهلكهم، يعني هو أهلك واحد فيهم. والحمد لله، اللهم اغفر له وارحمه وليموات المسلمين جميعا. الشيخ قال لك qu'il y a dans la Ummah, il y a toujours du bien. Et il vient d'avoir donc une information. Donc, il y a quelqu'un, donc, qui a une famille qui a perdu donc, l'un de ses enfants et qui était connu par sa générosité, quelqu'un donc, qui participait dans le bien. C'était quelqu'un qui faisait toujours le bien. Et ses amis, donc, ils ont voulu donc, mettre des projets en son nom. Comme ça, ce sera donc une sadaqa jariya, donc une ummah courante. Ils ont commencé donc donc ils ont mis en place un projet de construire une mosquée pour que ça, toutes les hassanats reviennent donc à cette personne. Là donc il dit que je viens de recevoir un message qu'il y a trois personnes, trois Libyens, uniquement donc ils ne connaissaient pas la personne, en n'entendant que le bien de cette personne, chacun il a donné donc il a offert un puits en faveur donc de ce défunt pour montrer tout simplement qu'il y a le bien dans cette Ummah. Tout simplement pour se rappeler ce qu'on ne peut jamais se dire que la Ummah dans sa totalité elle est mauvaise, qu'il n'y a pas de bien, qu'elle est en perte. Et souvent donc on entend les gens, cette Ummah, il n'y a plus de bien dans cette Ummah, il est en perte. Non, il y aura et il y a toujours du bien dans la Ummah. Et il continuera jusqu'à la fin des temps. Et d'ailleurs dans le hadith du prophète, celui qui vous dit que la Ummah elle est en perte, c'est soit c'est lui qui les met en perte, ou soit c'est le premier qui est en perte. Donc l'un des deux, soit c'est lui le vrai perdant, ou c'est lui donc qui les considère comme perdant. Mais auprès d'Allah Azza wa Jalla, cette Ummah n'est pas perdante. Au contraire, il y aura du bien, et il y a du bien. Bi'idhnillah Azza wa Jalla, les gens donc qui continuent donc à faire le bien. Deux sont des Libyens, le troisième ils n'ont pas cité. C'est un homme et son épouse. Alhamdulillah. Cheikh Hadi, salam alaykoum. J'ai une question. Hal yajouz min ba'd al-salat al-'asr i'ta dars li riyad salihin lil ikhwan? Kayen cheikh fi al-masjid y'ati dars min ba'd al-salat al-'asr mubasharatan y'ati dars li riyad salihin. Ma fi bas. رياض الصالحين هذا كتاب مبارك هذا. ولكن على علم الشيخ لا يفهم تفسير من لا يفهم؟ ما يفهمش تفسير يعطي حديث فقط. يقرأ فقط. إيش ما في فائدة؟ يعني يقرأ للبركة يعني؟ ما هو للبركة، يقرأ للشرح للفهم. إذا كان الناس فاهمة طيب، إذا كانوا مو فاهمة يشرح لهم يبين، أما فقط قراءة فقط. يعني ما نقول لك إني ما أقدر أتكلم أقولك ما يجوز أو كذا، لكن يعني لا فائدة من هذا الكلام. لازم إذا كان الناس لا تحسن يعني الفهم ولا تفهم يعني المعنى إيش. الأولى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف، يخطب الجمعة يقوم قاف والقرآن المجيد حتى تنتهي وينزل من المنبر. لكن الآن لو تخطب الناس في قاف، يعني يقول الشيخ بن عثيمين الأفضل يعني لو فعلها جائز ما في بأس، لكن الأفضل أن تقرأها مع إيش؟ مع الشرح، للناس ما تفهم معانيها، ليس كما كان إيش الصحابة اللي أنزل بلسان عربي مبين يبين واضح. الناس الآن كلها عجمة، عربها وعجمة، كلها عندها عجمة في اللسان وعجمة في الفهم، يجب أن يبين للناس. لكن أما حرام أو لا يجوز هذه صعبة شوية. الله أعلم. Donc il y avait une question, donc quelqu'un, un imam d'une mosquée qui les riyad salihin, donc après donc chaque prière de l'asr, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Et le frère donc il précisait que c'est uniquement une lecture, donc il n'y a pas un commentaire. Donc le cheikh ne dit ni bien ni mal, donc il dit donc que l'utilité c'est de commenter, c'est d'expliquer donc les hadiths pour donc tirer profit. Est-ce qu'on va lui lire uniquement pour la baraka, la bénédiction? Donc ce n'est pas l'objectif pour lequel ces hadiths ils ont été mis en place. Il faut rappeler que le kitab lui-même, Riyad Salihin, c'est un recueil qui est bénéfique. Mais il a besoin donc d'explications, il a besoin de commentaires. Donc on s'assoit donc auprès de quelqu'un qui nous fasse le commentaire, sans pour autant porter de jugement sur la personne qui lit le livre. De la même façon, donc, elle a rappelé à l'époque du prophète, salam, le prophète, quand il faisait la khutbah de Jumu'ah, ça lui est arrivé de la faire uniquement avec la récitation de Surat Qaf. Réciter Surat Qaf du premier verset jusqu'au dernier. Et il descendait, donc il faisait la prière. Donc, si aujourd'hui on le fait, on va dire, donc, on a appliqué donc, la sunna du prophète, salam, certes, le cheikh Al-Uthaymi, rahmatullah alayhi, il dit, donc, si on ne donne pas l'explication, le commentaire aux gens, la plupart des gens ne vont pas comprendre. À l'époque, quand il a été révélé sur un peuple qui maîtrisait la langue arabe et qui comprenait le sens. Et quand le prophète, alayhi salam, leur citait le verset, ils le comprenaient. Aujourd'hui, pour chaque terme, il a besoin d'une explication, d'un commentaire. Parce que même les Arabes eux-mêmes, ils ont du mal à lire l'arabe, ils ont du mal à comprendre l'arabe, ils ont du mal donc à savoir en quoi consiste la parole d'Allah Azza wa Jal et la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. اسمح لي سوف أقول سؤالي بفرنسية. Je voudrais poser deux questions au cheikh. La première c'est concernant le salam. Donc il disait que c'est interdit de dire le salam alaykoum à des gens qui ne sont pas musulmans. Donc la question concernant celle-ci c'est pourquoi dire salam alaykoum au pluriel et non pas salam alayka si c'est une personne. Donc on m'avait dit que c'était par rapport aux anges. Donc si c'est vrai par rapport aux anges, les kafirs aussi ont les anges. Donc pourquoi on leur dit pas salam alaykoum par rapport au pluriel de salam alaykoum? Et la deuxième question, c'est concernant l'argent qu'on peut donner, vous savez, par rapport aux 8 catégories. Donc, par rapport à cette catégorie-là, vous avez dit comme quoi, même ceux qui sont hostiles à l'islam. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est pas une forme d'hypocrisie de donner de l'argent et on sait qu'ils sont hostiles aux musulmans? Ça, les connaissant hostiles pour hostiles, on n'a rien à leur donner. Donc à donner à des koufars qui ne sont pas hostiles, je comprends, mais à ceux qui sont hostiles, j'ai du mal à comprendre. لماذا نقول له السلام عليك بصيغة الفرد وليس بصيغة الجمع؟ وإذا كان الأمر كذلك الكافر يعني قال إذا كان الأمر أن هو على حسب ما فهم نقول السلام عليكم لأن هناك الملائكة قال إذا بصيغة الجمع. قال إذا كان الأمر كذلك فالكافر حتى هو نقول له السلام عليكم لأنه معه ملائكة. الصحيح أن تقول السلام عليك وتقول السلام عليك أيها النبي، وإذا أردت أن تسلم على رجل تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ففي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل في الرد عليك مو عليكم، مو السلام عليكم. بعضهم يعني هذا الورد في السنة السلام عليك، يعني بعض الناس يقول السلام عليكم يعني يقصد إيش؟ يعني إما تعظيم المسلم أو يقصد المسلم والملائكة التي معه. يعني هذا واحد. الأمر الآخر يعني لماذا لا نقول الكافر السلام عليكم ونقصد الملائكة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، والنبي أعلم. لماذا قال سلموا وخصوا الملائكة أو انوا الملائكة ولا تنوا يعني هذا الرجل الكافر؟ نعم. Donc là, par rapport à la première question, donc, il a dit donc le plus authentique au niveau des versions de du salutation, c'est donc au singulier, c'est-à-dire assalamu alaik, et pas donc assalamu alaikum. Donc là, on est censé donc dire assalamu alaik quand il s'agit d'une personne. Donc, quand tu es face à une seule personne, tu lui dis assalamu alaik et pas donc assalamu alaikum, à part s'il s'agit d'un groupe. Et quand Jibril alayhi salam il est venu auprès du prophète alayhi salatu salam, quand il a adressé le salam à Aïcha radiallahu anha, Aïcha, donc il a répondu donc aussi en forme du singulier, donc il n'a pas utilisé le pluriel. Ce qui prouve que le salam, quand il s'agit d'une seule personne, d'un seul individu, on le dit donc avec le singulier. Les musulmans qui le font donc avec le sens du pluriel, soit donc pour, parce que donc le musulman pour eux, donc il a de l'importance. Donc il utilise le pluriel, ou soit parce que donc il y a la présence des anges. Pourquoi n'utilisez pas cet argument donc de la présence des anges pour donc les kofas? Et tout simplement parce que le prophète il l'a interdit. Le prophète il dit voilà, donc ne devancez pas, ne commencez pas donc les kofas par donc adresser le salut. Donc c'est à eux de vous dire donc le salut. À part donc si vous donc si on commence comme on l'avait dit tout à l'heure par d'autres termes de salutation. Donc là c'était la première question. La deuxième, c'était concernant la fin. قضية أن الإنسان يحارب الإسلام وأعطيه وهو كافر، والإنسان لا يحارب الإسلام وأعطيه وهو كافر، الهدف من هذا إيش؟ الهدف أني أتألفه وأني أمنع من شره. ولهذا أمثلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر في المدينة في غزوة الأحزاب واجتمعت عليه القبائل، جمعتهم قريش، الحارث الأعور وفلان وفلان من قبائل العرب، جاءت فيهم قريش مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم في زاد المعاد في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد أنه راوضهم، أي أراد أن يعطي المشركين القبائل، رؤوس قبائل المشركين، من ثمار المدينة، من التمر. المدينة كانت تملك إيش في ذلك الوقت؟ التمر، هو البترول، هو المال. فأراد أن يعطي رؤوس القبائل التمر ليصرفهم عن قريش، فتكون المواجهة بينه وبين إيش؟ قريش. فالمال يعطى ويدفع للمحارب ولغير المحارب، إما لدخول في الإسلام وإما لمنع شره، إما دخول الإسلام وإما لمنع شره. فكل هذا وارد في الشر. واضح إخواني؟ طبعا إذا رأى الحاكم أن فيه مصلحة. Bien sûr, donc si le gouverneur, si le président, le roi, donc juge qu'il y a intérêt à le faire. Donc, نهاية القصة، عفوا نعتذر شيخنا بعد إذنك، وفي نهاية القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على أهل المدينة، قال إيش رأيكم نعطيهم من كذا حتى إيش نصرفهم؟ فقال له السعدان، سعد بن عبادة سعد بن معاذ، قال يا رسول الله، تعطيهم هذا البترول، تعطيهم المال، تعطيهم التمر، لماذا؟ شيء تصنعه لنا أم أمر أمرك الله به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لقال لهم، قال بل شيء أصنعه لكم. يعني جاء رؤوس الصحابة وعقلاء الصحابة الذين يستشارون، مش أي واحد يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيء تصنعه لنا؟ قال يا رسول الله، لقد كنا وهؤلاء القوم العرب هذين في الجاهلية ما يطمعون في تمرنا هذا إلا قرى أو بيع، يعني ما يطمعون في تمرنا إلا أن يعطيهم ضيافة نضيفهم عليه، نعطيهم أو نبيعهم. فكيف نعطيهم وقد من الله علينا بهذا الإسلام؟ قال كما تريدون، تريدون هذا الأمر أنا معكم. الشاهد أن المراوضة التي حصلت أن النبي أراد أن يصنع شيء لهم يدفع من التمر من أجل إيش؟ أن يدفعهم وأن يبعد شرهم عن المسلمين. قال بل شيء أصنعه لكم. Donc, cher, donc, pour répondre donc, à cette question, il dit donc bien sûr si le juge, si le gouverneur, si le président donc, juge opportun de mettre ça en place, donc c'est à lui donc qu'on revient l'affaire. Pourquoi donc on peut se poser la question quand il s'agit de quelqu'un qui combat l'islam, donc, de distinguer entre celui qui combat l'islam de celui qui ne le combat pas. Pourquoi donner à l'un et ne pas donner donc à l'autre? Pourquoi donc on comprend bien que celui qui ne combat pas l'islam, donc on peut lui donner parce que donc pour par espoir à ce qu'il se convertisse à l'islam, ou donc celui qui combat l'islam, celui qui combat l'islam, soit toujours il y a cet espoir qu'un jour ou un autre il se convertisse à l'islam et l'embrasse l'islam, ou pour éviter son mal. Et donc, la question qui se pose, c'est quelqu'un qui s'oppose à l'islam. C'est quelqu'un qui combat l'islam. Donc, il donne l'exemple donc, à l'époque de l'Ahzab, à l'époque même pour le prophète Al-Islam, il était à midi, il y avait donc cette bataille des coalisés. Et la bataille des coalisés, donc, c'est que les Quraïchites, ils ont réussi à se mettre en accord avec un certain nombre de tribus pour s'opposer au message du prophète Al-Islam, et ils ont encerclé donc Médine. Donc le prophète, en étant seul à midi, entouré par toutes les tribus, donc il a commencé à penser à sa stratégie. Donc tous les tribus qui étaient autour, ils étaient hostiles. Donc ils étaient des combattants. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, donc il a demandé conseil aux compagnons du prophète, alayhi salam, il leur a dit, voilà, donc moi je veux leur donner des dates, parce que c'est le bien qu'ils avaient à midi à l'époque, donc ils n'avaient pas de pétrole, le seul bien qu'ils avaient, c'était les dates. Alors il a dit donc, je vais leur donner des dates, pour qu'ils s'éloignent de Quraysh et qu'ils ne s'associent pas à Quraysh contre nous. Donc je vais les acheter à travers donc, des dates. Et à un moment donné, dans la discussion, donc les compagnons que le prophète alayhi salam, auprès de qui donc, ils demandent des conseils, c'était les Midinois, c'était les Ansar. Comme c'est eux qui sont donc de la ville de Médine. Ils lui disent, oh prophète d'Allah, est-ce qu'il s'agit d'un ordre de la part d'Allah Azza wa Jal qu'on doit appliquer? Ou est-ce que c'est quelque chose que toi-même, à quoi tu as pensé pour nous éviter donc, cette guerre et cette bataille? Il a dit, c'est quelque chose que moi-même, à laquelle j'ai pensé. Ils lui disent, oh prophète d'Allah, à l'époque même avant l'arrivée de l'islam, nous ce qu'on faisait, soit on les accueillait, donc c'était nos hôtes, donc on leur donnait des dates à manger et à boire, ou soit on leur vendait. Mais avec l'islam aujourd'hui qu'ils arrivent et qu'ils récupèrent ça alors qu'on est devenu musulman, on ne l'accepte pas. Allez, si vous ne voulez pas, donc on continue donc à combattre. L'idée, c'est qu'on voit bien que dans l'attitude du prophète, il était prêt à donner à ceux qui étaient hostiles, et au-delà de l'hostilité, ils étaient opposés, ils étaient combattants. Donc ils étaient en train d'entourer Médine. Donc c'est une stratégie parmi les stratégies. عند تعقيب ولا شيء؟ تدست تدي دغمك؟ لا بارك الله فيك شكرا. تقولي اختار مش عارف. لا. بسم الله. تفضل بارك الله فيك الشيخ. الله يخلي الشيخ في كثير من المصلين يعني في بعض المساجد وفي مسجدنا هذا يكونوا مصبوغين في الصلاة. وبعد الإمام ما يسلم يكونون إيش؟ يعني مصبوغين الإمام من السبقين نعم بعد الإمام ما يسلم يعني عشان يكمل بيمشي مس خطوة كبيرة على الإمام أو يرجع خطوة طويلة للخلف يعني ما لاحظ هذا ملاحظة إلا هنا في فرنسا بس نعم يعني كل هذا حرص على السترة يعني مسافة طويلة يعني مش خطوة خطوة دينة. إيه الحديث عن المسافة الطويلة إذا كانت قصيرة ما في بأس الإنسان يكون قريب من السترة حتى لا يدع أحد يمر أمامه ولا شيء ما في بأس لكن يمشي مسافة خطوتين ثلاثة وكذا يعني أظن فيها نظر والله أعلم الأولى أن الإنسان يبقى في مكانه وإذا كان مكان قريب يخطوة خطوتين ما في بأس يعني لكن ما يمشي فترة حتى أمام السترة واضح نعم Donc la question c'était donc ce qui arrive à la prière alors que l'imam il a déjà commencé, et quand donc l'imam il termine, donc ils se lèvent et ils avancent donc 2, 3, 4, 5 pas pour donc arriver donc à la sutra, ou parfois donc ils reculent donc 2, 3, 4 mètres pour toujours trouver donc une sutra. Cheikh il a dit ça je l'ai vu uniquement ici en France, donc c'est pas une pratique que je vois donc ailleurs. Donc, certes se déplacer d'un pas ou là de deux pas ça peut être utile quand il y a un sutra pour éviter que les gens donc passent, mais au-delà de ça donc il n'est pas convenable de prendre de la une certaine largesse et de se dire voilà donc moi je vais me déplacer donc du fond de la mosquée jusqu'au devant tout simplement pour avoir la sutra, je reste à ma place et j'accomplis donc ma prière. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت تقدمه للسترة حينما أرادت أن تمر الشاة أمامه فتقدم خطوتين حتى يجي تمر من خلفه. نعم. Donc il est prouvé que le prophète عليه الصلاة والسلام quand il y avait une brebis qui voulait donc passer devant lui, il s'est avancé donc de deux pas عليه الصلاة والسلام pour éviter qu'elle passe devant lui, donc pour arriver donc à la sutra. فضل الصلاة الجمعة في حكم ذلك. صلاة الجمعة من فرائض الإسلام نزلت فيها سورة كاملة سورة الجمعة والذي يتركها ثلاث مرات يعني طبع الله على قلبه صفة من صفات النفاق من ترك ثلاث جمع فقد ختم الله عليه أو طبع الله عليه على قلبه أظن رواية ختم الله على قلبه طبعا يتركها يعني متعمد يعني ما يتركها ضرورة أو لعمل ضروري مثلا كطبيب أو كذا أما الأصل الإنسان إن ما يترك الجمعة أبدا وإلا سوف يحصل على هذه العقوبة. C'était la question concernant quelqu'un qui délaisse la prière du Jumu'ah. La prière du Jumu'ah c'est un acte obligatoire. Donc cela fait partie des piliers de l'islam reconnu, connu par tout le monde. Donc on est dans l'obligation de l'accomplir. Et celui qui la néglige trois vendredis de suite, il reçoit de la part du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam un tampon comme quoi il est considéré comme hypocrite. Donc il va falloir faire énormément attention, à l'exception de celui qui a bien sûr donc les raisons valables qui l'empêchent d'accomplir la prière en groupe. انا اعرف ان هناك من يفتي بهذا الامر اعرف تماما جيدا اعرف الناس تجي هنا مشايخ وعلماء وكبار شغلتهم بس يرضونكم الحجاب مش لازم لبس المايو في المدرسة للبنت عادي اللحية في العمل احلقها ما تصلي الجمعة مش مشكلة ما تصلي في المسجد مش مشكلة يعني يبي يرضونكم بأي طريقة أنا والله ليس هدفي إرضاكم أنا هدفي أن أرضي الله سبحانه وتعالى بالأدلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه ما فيه تتركها لضرورة تتركها ناسي تتركها نائم تتركها مسافر ما في بأس لكن متعمد جالس بحكم الله أنا أعمل والله ما أستطيع أخرج لأن العمل ما يسمح لي وكذا طيب الله يقول لك صلي وأنت تقول لا والله عملي ما يسمح لي أنا ما نعرف كيف ما نعرف إيش معنى لا تقدم بين يدي الله ورسوله ما نعرف غير هالمعنى هذا إنك أنت قدمت بين يدي الله ورسوله قدمت على أمر الله وأمر رسوله أمر آخر من البشر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق كيف يرضونكم الناس ويبررون لكم تبريرات يعني خلاف النصوص يجوز المرأة تلبس البكيني بحكم أنها عشان تذهب للمدرسة ما نعرف الدين هذا كيف ما نعرف الدين يقول ضرورات إيش ضرورة اللي تهلك نفسك ضرورة يهلك عرضك ضرورة يهلك عقلك الكليات الخمس تذهب منك هنا عكس تصير ضرورات ما درست البنت في المدرسة الفلانية ضرورة تدرس في البيت تدرس في بلادها ترجع تدرس في أي مكان أخلع لبسي وألبس إيش هذا عكس الدين أتى لحماية العرض وحماية المال وحماية العقل ولحماية النسب ولحماية الدين كليات الخمس هذه جاءت الأديان كلها جاءت لحمايتها أنت تكشف عرضك وتكشف شرفك على أساس والله بنت تدرس فتوى ورسمية وتخرج أمر غريب غريب وأنا على يقين الناس تعرف أن هذا خطأ، لكن يقول ها الحمد لله لقينا حطها براس عالم وطلع إيش لقينا واحد أفتى الحمد لله. لا يا إخواني، لا، الدين ما في مجاملة، الدين ما في مجاملة، أيام وليالي وتمشي. وين جدك؟ وين عمك؟ وين خالك؟ وين ابنك؟ وين زوجتك؟ وين كل واحد فقد؟ ترى راح بدأت قيامتهم، بدأ حسابهم. انتبه، ترى قيامتك تبدأ بموتك. ارضي الله وامشي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ترضي الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عليه، ومن أسخط الله برضى الناس سخط الله عنه عليه وأسخط الناس عليه. خذ قاعدة في حياتك، إيش اللي يرضي ربي يسوي، أدى اللي عليك، يعني زوجتك وأولادك وأصحابك انصحهم، سمعوا سمعوا، ما سمعوا أديت اللي عليك. بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع أن تفرض من أوامرك، أفرض واستخدم صلاحياتك دون أن تعمل شوشرة وتعمل مفسدة وتعمل إيش قلقلة في الأسرة. حاول قدر المستطاع، لكن أدي اللي عليك، انصح، ما لا تضيع دينك بفتاوى. لا يعني هدفهم إرضاءكم بس، شنو والله الوضع الأوروبا ناس غير، لازم نعطيه فتوى إيش غير حجاب، والله هذا حجاب سعودي، هذا حجاب مش عارف إيش، مش هذا حجاب، هذا كلام ما يرضى الله ورسوله. الحجاب في الدين، في قال الله قال رسول، ايش يقول النبي، ايش قال علماءنا، ايش قال ائمتنا، ابو حنيفه، مالك، شافعي، احمد، ايش قالوا، نسمع كلامهم. اما كلام ياتي مصادم من النصوص، هذا ليس دين الله. الشيخ dit que je sais bien qu'il y a beaucoup de fatwa concernant donc ici l'Europe, on vous autorise beaucoup de choses et qui souvent donc ils vont à l'encontre de la loi d'Allah Azza wa Jalla et du sel de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que la plupart de ces mouftis, quand on leur pose la question, ils vous donnent donc des avis tout simplement pour plaire donc au public. Et donc ce n'est pas l'objectif, c'est de plaire à Allah Azza wa Jalla, c'est d'être en conformité avec la loi d'Allah Azza wa Jalla et d'être en conformité avec la loi de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas s'opposer à la loi d'Allah Azza wa Jalla, il va falloir faire en sorte que les lois Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé ou celle de son prophète alayhi salatu salam, on est là pour les appliquer. Et on ne peut pas, parce que donc on vit dans un pays donc non musulman, qu'on va sous prétexte chercher donc des fatwas, des avis juridiques qui nous facilitent, qui vont nous simplifier donc les tâches, la vie sur cette terre, et tout simplement pour par la suite s'écarter, s'éloigner des recommandations d'Allah azza wa jalla. Et donc j'entends bien, je vois bien donc qu'il y a des avis juridiques pour donc vous accorder la possibilité que la fille par exemple donc enlève son foulard et donc il va à l'école pour il a la possibilité de faire la piscine, il a la possibilité de faire ceci, il a la possibilité de faire cela, et on vous donne des autorisations pour tout simplement plaire donc au public, alors que la règle va à l'encontre, et c'est satisfaire Allah Azza wa Jal qui doit passer en priorité, pas l'inverse. Donc ce n'est pas donc plaire à qui que ce soit, ils nous posent tous la question, donc où sont nos parents, où sont nos frères, nos sœurs, chacun il est parti, et quand il part donc sa résurrection elle a commencé, et ça sera donc un jour ou un autre la nôtre, donc on n'est que de passage, donc un jour ou un autre on quittera la vie de ce bas monde et on répondra auprès d'Allah Azza wa Jal de nos actes. Donc le plus important c'est de plaire à Allah Azza wa Jal et pas aux autres. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas devancer devant la parole d'Allah azza wa jalla et de celle de son prophète vos avis ou vos envies, c'est qu'il va falloir s'appliquer donc à cette règle. Et si donc un mufti ou un imam ou autre nous donne un avis qui va à l'encontre de la parole d'Allah azza wa jalla, de celle de son prophète alayhi salatu salam, des compagnons, de nos prédécesseurs, des imams des quatre écoles, il va falloir donc se dire non, ça va à l'encontre de la parole d'Allah azza wa jalla, je ne peux pas l'appliquer. Ça va diminuer ma foi et ça va me mettre en contradiction avec ma foi, et bien sûr donc ça va m'amener à mériter de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala son châtiment. Barakallahu fikum wa barakallahu fi shaykhina wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala amala wa khalisa li wajhil karim wa an yaj'alana jami'an ani mimman yastami'u al-qawla fayattabi'u ahsana. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب. Thank you.